Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la vie à la cour de Napoléon. Les Français sont indifférents à la liberté. Ils ne la comprennent ni ne l'aiment. La vanité est leur seule passion. Stendhal. Cette vanité, il va la flatter en rétablissant les fastes et les honneurs de l'ancienne cour. Il règne en monarque traditionnel, mais un monarque qui gouverne et qui a l'œil à tout. Extrait du documentaire de David Gruben, Empire Napoléon. C'est un véritable tour de force que va réussir Napoléon en s'imposant en nouveau monarque quelques années seulement après que les Français aient pourtant conduit leur roi à la guillotine. Et c'est grâce, entre autres, à cette nouvelle cour qu'il va mettre en place que Napoléon réussira à asseoir sa légitimité et son pouvoir comme empereur. La cour et la vie à la cour de Napoléon restent donc un passage obligé pour qui veut vraiment comprendre de quelle étoffe est était fait le célèbre personnage. Décembre 1804, il pleut sur Paris. Mais dans le cœur de Notre-Dame, au milieu des couleurs éblouissantes, des ors, des lumières, Napoléon se sacre empereur et couronne Joséphine. Vivat imperator in eternum, proclame le pape. Quel triomphe pour le jeune élève corse de Brienne et pour la belle créole de la Martinique. À 35 ans, il est le maître de la France, bientôt celui de l'Europe. À Rome, sa mère, sceptique, espère que tout cela va durer. Pour l'empereur, un gouvernement nouveau-né doit éblouir. Une étonnante capacité de travail, le sens de l'opportunisme, une fertile imagination servent sa volonté implacable. Vers Napoléon convergent les rapports de tout l'Empire. Il exige une obéissance aveugle de tous ses subordonnés. Le gouvernement totalement centralisé. Tous ceux qui détiennent quelques responsabilités, les préfets de département, les diplomates, les militaires, les fonctionnaires, les juges sont nommés par l'empereur. Extrait d'une émission diffusée à notre télévision en 1969 à l'occasion du 200e anniversaire de naissance de Napoléon. C'est de cette cour et de la vie à cette cour napoléonienne, brièvement décrite dans l'extrait qu'on vient d'entendre, dont on va parler avec mon invité, qui est Sylvain Cordier, conservateur aux arts décoratifs anciens au Musée des beaux-arts de Montréal et commissaire de l'exposition « Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial ». Sylvain Cordier, bonjour. Bonjour. Vous avez donc organisé au Musée des beaux-arts de Montréal cette exposition autour de ce grand thème de la vie à la cour de Napoléon. Pourquoi? Pourquoi vouloir faire une exposition sur ce thème-là? Parce que je pense que c'était un thème qui renouvelait véritablement la manière de présenter Napoléon, notamment de le présenter en Amérique du Nord, en prenant véritablement le parti pris de ne pas aller dans la monographie, c'est-à-dire de ne pas aller dans la présentation biographique, de ne pas aller dans la célébration du personnage ou du héros mythique tel que beaucoup de gens s'en souviennent ou le gardent à l'esprit, mais plutôt de travailler sur ce qu'il y a autour de Napoléon. Ouais. Comment l'image de Napoléon, en fait, se crée grâce à l'équipe, on dirait l'équipe de nos jours, grâce au personnel de sa maison, cette fameuse maison de l'empereur qui est chargée de la politique de l'image et puis de l'organisation de la vie autour de lui. Il a besoin de cette cour, il a besoin de cette image forte que lui procure cette cour, de ses conseillers qui l'entourent. Il y a quelque chose de très... Je pense que ça faisait partie aussi de votre envie de monter cette exposition. Il y a quelque chose qui nous interpelle directement, qui est très contemporain, qui est très moderne. Absolument, oui, oui. On est d'ailleurs historiquement, enfin, les historiens ont l'habitude de diviser les périodes, et on est à cette époque-là, au tournant des 18e et 19e siècles, au début de ce qu'on appelle l'époque contemporaine, dans laquelle nous sommes censés vivre encore. Ouais. Il y a vraiment là des codes de représentation, des manières de penser la société, de penser le rapport au politique qui se mettent en place. Avant de parler de cette cour, de son importance pour Napoléon, un peu de contexte quand même pour rappeler aux auditeurs d'où on vient et d'où il vient, lui. Dans quel contexte et où en est la France au moment où Napoléon devient empereur, Sylvain Cordier? Eh bien, donc Napoléon devient empereur en 1804 et il devient empereur après avoir déjà passé quelques années comme premier consul, c'est-à-dire comme chef de l'État d'une France qui est républicaine. On est une grosse grosse dizaine d'années après la Révolution française, voire une quinzaine d'années après 1789. Donc la fin de la monarchie absolue, puis de la monarchie tout court. Hein, la monarchie absolue se termine en 89 et la monarchie française est abolie en 1792. Et il arrive au pouvoir en 1799 par un coup d'État pour établir un gouvernement qui va assurer un retour à la stabilité politique, un retour de l'économie, après quand même des années de bouleversements sociaux qui ont quand même laissé la France très très très en assez mauvais état. Mais de premier consul, il devient empereur. Absolument, et on peut se demander, avec ce que vous venez de nous dire, pourquoi une cour, pourquoi un empereur, alors qu'on vient quelques années plus tôt de faire rouler la tête du roi. Il y a un mélange de vanité très, très vraisemblable, enfin, de la part du personnage, de se poser une couronne sur la tête, et en même temps, je pense, la claire conscience que une grande partie de l'opinion française et aussi le reste de l'Europe, la France existe aussi dans un contexte européen qui lui est très hostile, la France née de la Révolution, la France révolutionnaire, post-révolutionnaire, et ce retour à la monarchie, à une forme de la monarchie qui n'est pas la royauté mais qui est un empire, donc qui est censé lui être un tout petit peu différent, voire supérieur à ce qu'était la royauté, eh bien ce retour à la monarchie, il est censé aussi apaiser les consciences, une certaine part des consciences de la société qui avait été très, très meurtrie, je dirais, par on dirait la droite de l'opinion, si on peut dire, qui a été quand même assez, assez choquée par, la chute de Louis XVI. Et puis il y a aussi l'idée qui est très importante, c'est que le consulat a jeter les bases d'une nouvelle société, et on est très inquiet à l'époque du consulat que Bonaparte se fasse assassiner. Donc dans les années, il y a un certain nombre d'attentats, attentats royalistes, attentats jacobins, et l'idée du retour à la monarchie, c'est une manière pour le gouvernement, pour les ministres de Bonaparte, de se dire si Bonaparte meurt, c'est plus facile d'assurer une stabilité des institutions si automatiquement il y a un souverain si son frère le remplace. Ouais, stabilité, retour à l'ordre après ce contexte révolutionnaire, ça c'est central. Et puis pour lui-même, Sylvain Cordier, Napoléon, il se voit empereur, il a besoin de cette cour, du retour de cette monarchie pour avoir cette légitimité qu'il cherche comme empereur. Veut être le nouveau roi des Français. Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y parvient. Il y a incontestablement une grande, grande partie de la population qui est tout à fait convaincue et qui, d'ailleurs, l'Empire est plébiscité. On organise un vote, alors qui est complètement truqué, évidemment, par les soutiens et par le gouvernement, mais il y a quand même un véritable plébiscite dans les premières années de l'Empire. Ça, c'est très... Alors, qui fait partie de cette nouvelle cour que Napoléon met en place? Alors, c'est intéressant. Au départ, ceux qui s'inscrivent dans cette cour, ce sont les généraux révolutionnaires. Ce sont les familles des gens qui se sont enrichis sous la Révolution, qui se sont enrichis par les affaires, qui se sont aussi enrichis par la gloire des armes, c'est-à-dire tout l'ensemble des familles, des militaires, des généraux autour de Napoléon, qui constituent notamment le fameux groupe des maréchaux d'Empire. Et puis, c'est assez intéressant parce que, et ça c'est très lié au succès du consulat, Bonaparte a réussi à convaincre une partie de l'opinion royaliste. C'est-à-dire une partie de cette opinion une partie seulement, mais quand même une partie assez, assez considérable, avant même l'Empire, de revenir en France. Une grande partie de ces familles aristocratiques ont fui au moment de la Terreur, et on arrive en 1799, 1800, 1801 à les faire revenir. Et ça, c'est très important parce que c'est de cette rencontre, de cette conjonction entre les enrichis, si je puis dire, de la Révolution, et puis les anciennes familles de Versailles, de leur entente et de leur mélange, si on peut dire, que naît véritablement la cour et que cette cour fonctionne. Parce qu'il faut quand même une culture de cour pour que tout ça ne paraisse pas trop ridicule. Elle ressemble à quoi, cette cour, dans son quotidien? Parlez-moi de la vie de cette cour napoléonienne. Comment elle se compare, par exemple, le faste de cette cour? Comment il se compare, qui passe par les habits, qui passe par les meubles, qui passe par les palais impériaux? Comment ça se compare, je ne sais pas moi, à la cour de Louis XIV, par exemple? Alors, effectivement, il faut que ça se compare à la cour de Louis XIV ou à la cour de Louis XVI, c'est-à-dire la dernière des cours qu'ait connue la France, qui était celle de Versailles sous Louis XVI. Évidemment, elle joue cette cour énormément sur la splendeur, sur la magnificence des œuvres, des objets, des espaces mis en scène pour le pouvoir. Il y a une différence quand même qui est assez importante, qui est même tout à fait fondamentale, c'est que autant chez Louis XIV, la cour, la vie du roi est un spectacle permanent qui est visible par tous, autant Napoléon n'est pas né roi. Ouais. Donc il y a quelque chose qui ne lui est pas complètement naturel dans le fait de vivre totalement en public. Est totalement à disposition en fait de l'œil public, du regard public, et donc la cour de Napoléon, c'est un espace qui est cloisonné avec les lieux du spectacle du pouvoir, les moments du spectacle du pouvoir, et puis en fait des espaces totalement réservés à l'exercice de l'État et où Napoléon n'est pas vu, n'est pas visible. Et cette cour, ça c'est vraiment ce qu'il a défini. On ne voit pas beaucoup l'empereur à la cour. Hein. Voilà, il existe, mais on ne le voit pas du tout. On sait qu'il est là, mais il est dans des lieux dont on a conscience qu'on n'y a pas accès en tant que courtisan. Peu de gens, en fait, y ont accès. On y reviendra. Il y a six grandes, dans cette maison royale, il y a six grands départements et les gens qui occuperont, les grands officiers qui seront à la tête de ces départements sont ceux qui vivent ce prestige énorme de pouvoir, avoir accès à l'empereur. Ils sont tous issus de l'Ancien Régime. Ils sont tous issus de familles nobles qui avaient déjà des habitudes de connaissance de la cour de Versailles. Et puis, évidemment, qui dit cour dit palais, quoi, une cinquantaine de palais impériaux, dont un qui a une place particulière, si on se fie à l'extrait qu'on va entendre, dans la vie de l'empereur, dans celle de Joséphine aussi. Je pense à la Malmaison. On écoute à ce propos un autre extrait du documentaire de David Gruben, Empire Napoléon. Depuis que Bonaparte règne sur la France, Joséphine a dû accepter d'assumer les obligations d'épouse du premier consul. Elle s'en acquitte avec grâce, mais préfère de beaucoup au luxe des palais nationaux la douceur et le charme de la Malmaison. Bourreau de travail, Bonaparte a bien peu de temps à consacrer aux loisirs. C'est à la Malmaison qu'il le passe. C'était un peu le havre de paix de Bonaparte. Il pouvait arriver chez sa femme et y retrouver une espèce d'équilibre, de calme. C'était une femme extrêmement douce. Et ça, c'est très important pour Napoléon. C'était l'anti-Napoléon. Cela dit, Sylvain Cordier, et la Malmaison, et Joséphine, Napoléon va s'écarter, en fait, et de ce palais, de la reine, de Joséphine. Oui, bien sûr, il y a ce fameux divorce de 1809. Malmaison est plus un palais des débuts, en fait. Ouais. C'est plus un palais du consulat que véritablement un palais de l'Empire. Après, il y a la conquête, ou en tout cas l'appropriation des anciens palais de la monarchie. Et pour Napoléon, c'est plus important politiquement de s'emparer des palais de la monarchie que sont les Tuileries, Saint-Cloud. Il y a même pendant un temps le projet de recomposer Versailles, de réhabiter Versailles, qui sera totalement impossible parce que beaucoup trop coûteux, plutôt que de rester dans cette maison de campagne somptueuse, mais qui restait une maison de campagne privée, qui était Malmaison. Associé beaucoup à Joséphine, d'ailleurs. Exactement, oui. Qu'il mettra de côté pour... Oui. Encore là, tout est calcul pour Napoléon. Il aime Joséphine, je pense que profondément, oui, tout à fait. Oui. Mais il se mariera à Marie-Louise d'Autriche, encore une fois, pour consolider son pouvoir et satisfaire cette cour, cette nouvelle monarchie. Tout à fait, oui. Et puis, alors, en plus, la politique européenne, c'est-à-dire qu'il vient en 1809 d'écraser complètement l'Autriche. C'est très important, cette victoire de 1809. Et c'est un racket, si on peut dire, de la maison d'Autriche que d'exiger, justement, la main de Marie-Louise pour, dans son esprit, s'assurer une alliance durable entre ces deux pays qui assure la stabilité de son régime. En fait, ça va être un échec complet, mais c'est effectivement très important. C'est fondamentalement diplomatique, en fait. Revenons, je l'ai évoqué très rapidement, à cette maison royale, cette structure, ces six départements, c'est très réglementé. Maison impériale, on dit. Maison impériale. Et c'est central au fonctionnement de cette cour et de cette maison impériale. Qui sont ces... Il y en a plusieurs grands officiers, mais il y a comme six départements. Il y a six grands officiers qui dirigent chacun un département de la maison de l'empereur. Donc c'est le grand aumônier qui dirige l'exercice du culte catholique. La monarchie impériale est une monarchie catholique. C'est d'ailleurs une donnée politique très importante. Le retour à la paix religieuse est une donnée très très importante du régime napoléonien pour, en bon voltairien, assurer justement la paix civile. Et donc il faut donner les codes d'une vie catholique de l'Empire. le grand aumônier, le grand maréchal du palais, qui est la personnalité peut-être la plus importante parmi les grands officiers, qui gère justement l'ensemble de la vie de palais, des fournitures jusqu'au service des banquets, jusqu'à une partie des commandes artistiques et de la décoration. Et puis, vous avez le grand maître des cérémonies. Il faut inventer, évidemment, un protocole, réinventer un protocole et un cérémonial et une étiquette. Donc, le grand maître des cérémonies s'en charge. Il est d'ailleurs assisté d'artistes pour dessiner les vêtements, ouais. pour assurer ce cérémonial. Et puis, vous avez le grand chambellan. Le grand chambellan, c'est la personne qui est en charge de ce qu'on appelle la chambre, au sens politique du terme, c'est-à-dire les espaces de vie privée de l'empereur, le contrôle des accès aux espaces de vie privée de l'empereur. Et ça va de la garde-robe jusqu'à l'accès, justement, et le contrôle de le respect de la vie privée. Et puis, vous avez ensuite alors ce que j'appelle les grands officiers dehors, que sont le grand écuyer. Alors, le grand écuyer, référence évidemment au Moyen-Âge, qui s'occupe des transports, qui s'occupe des voitures, qui s'occupe de tous les déplacements de la cour, c'est tout à fait considérable. Et puis le grand veneur. Le grand veneur, c'est peut-être le dernier des grands officiers qui, lui, est en charge de l'organisation des chasses impériales. Napoléon est un très mauvais chasseur, mais Napoléon a tout à fait dans l'esprit que pour revivre une vie monarchique, il faut comme ça rentrer dans le moule de la vie royale de jadis. Et la chasse, en fait, l'organisation des chasses participe un peu du spectacle du pouvoir. C'est un état dans l'état que vous venez de nous décrire. Tout se trouve dans cette maison impériale. Je dirais que c'est le couronnement de l'État, plus qu'un État dans l'État. Mais c'est presque des ministères à cette échelle impériale dont vous nous parlez. Et puis au cœur de tout ça, encore une fois, cette idée, ce besoin qu'a Napoléon de cette cour pour asseoir, pour être ce grand Napoléon qu'il veut être, le grand empereur, on y revient, et on va terminer l'émission sur ce thème, dans l'image, une modernité vraiment très grande dans cette construction de l'image sous Napoléon. Je propose d'écouter l'historien Stephen Clark, et puis on en parle tout de suite ensemble, Sylvain Cordier, dans un reportage diffusé à France 24 en juin 2015. Donc c'était un homme de vision, mais il ne faut pas oublier non plus que c'était un grand créateur d'images. Il a choisi exprès son chapeau noir et son manteau de mettre la main dans le gilet comme un orateur romain. Il a choisi ce geste. Il a créé une image, mais il est vraiment quelqu'un du 21e siècle pour ça. Il a créé une image qui était tellement forte qu'il était connu dans toute l'Europe. Mais juste son image, c'était très, très, très moderne. Une image connue dans toute l'Europe, Sylvain Cordier. Une image très travaillée. Le chapeau, tout à fait, oui. La main dans le gilet. C'est très moderne, effectivement. Oui. Et ça se fait, et c'est permis par l'existence de la maison de l'empereur, c'est-à-dire de services qui sont attachés et qui travaillent constamment pour justement forger cette image. Et une cohérence dans cette image-là. Tout à fait, oui. Il y a une vraie cohérence. L'histoire de la main dans le gilet, c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas en réalité s'il avait tout le temps la main dans le gilet, mais il y a eu à un moment la commande d'un tableau, d'un portrait de Napoléon qui se trouve à Washington de nos jours, qui a eu un tel impact sur les consciences qu'on a finalement au 19e, puis au 20e, au 21e siècle, on a tellement l'habitude de regarder cette image que c'est comme ça qu'on voit Napoléon. Et qu'ensuite on la reproduit, l'empereur est conscient, ça fait partie de sa marque, parce que c'est ça aussi le fameux N. Oui. C'est un logo. C'est un logo avant d'une grande... Voilà, tout à fait. Oui. C'est incroyable. Oui. Et puis l'art, évidemment, les artistes qui vont contribuer, qui vont être mis à contribution, on va leur demander de prêter leur talent pour soutenir et préciser une vision politique. Un extrait à ce sujet, Frédéric Taddeï, qui anime l'émission française d'art. Il raconte en fait dans quel contexte, écoutez, c'est fascinant, dans quel contexte va être créé le tableau Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David. Le Sacre de l'Empereur Napoléon, que David a mis 2 ans à réaliser, est une véritable superproduction au service de la grandeur napoléonienne. En tant que peintre officiel, David avait assisté à la cérémonie depuis une loge. Il en avait noté les moindres détails et croqué les participants, puis les avait fait poser chacun leur tour dans son atelier. Mais toute superproduction ayant besoin d'un scénariste, Napoléon n'allait pas se contenter de son rôle d'acteur et de producteur. Il fallait qu'il soit au centre de la composition, dans tous les sens du terme. Il commença donc à réécrire l'histoire. Laetitia, sa mère, étant absente le jour du sacre, car elle était brouillée avec lui, il voulut qu'elle soit ajoutée, afin qu'elle assiste émue au triomphe de son fils. Et ses sœurs. Le jour du sacre, il les avait obligées à porter le manteau de Joséphine qu'elles détestaient. Alors pour éviter de les humilier davantage, il demanda à David d'inventer 2 demoiselles d'honneur pour tenir le manteau à leur place. Quant au pape Pie VII, il voulut qu'il fasse le geste de la bénédiction, arguant qu'il ne l'avait pas fait venir de si loin pour qu'il ne fasse rien. Enfin, contrairement au choix initial du peintre de le représenter se couronnant lui-même, l'empereur choisit le moment où il couronne l'impératrice, geste moins autoritaire et ô combien plus chevaleresque. Et le résultat, c'est cette toile monumentale devant laquelle Napoléon s'exclama « Quel relief, quelle vérité, ce n'est pas de la peinture, on marche dans ce tableau !» Et en bon producteur, il oublia de payer à David les 100 000 francs qu'il lui avait promis. Ça, c'est fascinant, Sylvain Cordier. Ça en dit beaucoup sur cette obsession qu'aura Napoléon de l'image qu'il projette. Ça va aussi loin que ça? Non, c'est vraiment très, tout à fait fondamental. Alors, le sacre de David, le sacre de Napoléon par David est effectivement une toile tout à fait célèbre qui est conservée au musée du Louvre. Mais on pourrait évidemment donner beaucoup d'autres exemples de tableaux. Nous, dans l'exposition, par exemple, on met particulièrement l'accent sur le grand portrait en grand habillement de Gérard, qui est une vraie dissertation sur le pouvoir, sur ses codes, sur ses références, les liens avec l'Antiquité, avec la monarchie d'Ancien Régime. C'est extrêmement codifié. Et Napoléon bénéficie d'ailleurs de conseils de personnes autour de lui pour aussi lui apporter les meilleures références possibles. Et encore une fois, pour que cette image soit d'une cohérence parfaite, corresponde à ce que l'on veut projeter comme image du grand empereur. De fait, et on termine là-dessus, mais quel poids aura eu toute cette imagerie, toute cette machine de mise en scène et de fabrication de l'image de Napoléon dans le souvenir qu'on en garde aujourd'hui, Sylvain Cordier? Ben, en fait, alors d'abord, ça s'adresse, et ça, c'est assez intéressant d'y penser, mais ça ne s'adresse pas uniquement à l'opinion française ou à l'opinion italienne, puisque Napoléon a aussi été roi d'Italie en même temps, mais c'est une image qui s'impose en fait à l'ensemble de l'histoire occidentale, voire même ailleurs. Très récemment, il y a deux ans, se vendait un des chapeaux porté par Napoléon, puis on a su que c'est vendu pour un prix considérable. On a su que c'était une compagnie coréenne qui l'avait acheté pour le présenter au centre de l'entrée pour que les employés voient le chapeau de Napoléon. Il y a toute cette idée-là. Effectivement, ça parle à tout le monde. Alors, ça parle soit soit qu'on l'admire ou soit qu'on le rejette et qu'on le déteste. Et je crois que c'est très important aussi de montrer que c'est un personnage qui nous interpelle en tant que citoyen de l'époque contemporaine. Et c'est important, je pense que c'est fondamental d'avoir aussi des personnages comme ça qui vous interpellent pour être un peu des citoyens du contemporain. Des repères et une image dans l'histoire. Tout à fait. Sylvain Cordier, conservateur des arts décoratifs anciens au Musée des Beaux-Arts de Montréal, commissaire de l'exposition Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial. Merci infiniment de votre participation. Merci à vous. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Christian Côté et Philippe Couture. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.